ça a coupé. De la batterie, oui. J'arrête la batterie. Non, il y a un qui m'a parlé de batterie. Bon, je laisse la batterie. Attends, les paroles sont là. Putain, je vois. Alors, il faut que je... quand je vois la mesure, les paroles, sur ce petit ordinateur. Voilà, ça y est. Le coupé, c'est en 8. We'll be right back. que le couplet. À la fin du couplet, on colle un si. Mais c'est qu'après, c'est compliqué parce que. Enfin, c'est compliqué. Parce qu'il y a un passage à vide, il y a un petit temps d'arrêt quand on passe du couplet au refrain. Attends, j'essaie de faire un couplet, d'accord ? Juste le couplet. Attends, parce qu'à chaque fois que je ferme une fenêtre, putain, et je vois pas ce que tu me marques. C'est ça. J'écoute, ouais. Vas-y. J'y vais. Non, c'est bon, là, je vois ce que tu marques. Allez, j'y vais. Non, c'est pas exactement ça, je crois. C'est comme ça, ça me va au chant, j'arrive. Ouais, voilà, ouais. Oui. Oui. J'ai entendu, ouais. Ouais, mais après, c'est les mesures. Je sais pas comment ça se passe. Pas trop forte la basse. La part. C'est loué. Bon alors. Ok, attends. On va faire mieux, tu pars tout seul, ouais. Et je te suis. Tu pars tout seul. Titi. Excuse-moi, je me suis trompé. Désolé. Je me suis trompé. Ok. Facile de faire tout. Ouais, mais je sais pas comment on fait avec les 8 mesures là. Non, ouais. Je sais pas, alors attends, parce que de toute façon, non, mais même un morceau comme ça, il y aurait vachement de mesures. Ça fait comme ça. Celui-là. Bon, on n'a qu'à faire que le couper, allez. Après, on fera un refrain pour se faire plaisir. Après, on fera autre chose. Allez. Pretty Lot, ça fait déjà 16 mesures. 16. 1, 2, 3, 4, 32. Ouais, c'est 64 alors. Je crois que ça fait 64 mesures. Ah oui, ce qui fait, si je me trompe pas. 64 mesures. Ouais, je sais. Bon bah c'est pas grave, hein. On peut pas tout faire sur truc, mais c'est quand même bien, hein, ce... Je suis en train de chercher. Les mesures. 16, ok. Allez, c'est parti. 16. Mais c'est plus bas pour moi. Allez, je commence à... I'm Ouais, c'est pas top, hein. Salut Philippe. De Nicole. Vas-y, partez sur un riff de guitare, s'il vous plaît. Je clip à fond là. Allez, on va suivre Théo. Batterie trop fort ? Ok, je la baisse. Attends, je vais la baisser. C'est mieux ? Attends, j'ai un peu trop baissé là, non ? La batterie, c'est bon ? Ouais, non. Ça va là. Ah, chipote. Ça y est. Le plus de volume. Ça joue comme ça un peu. Yes, yes, good, Anon. Ok. Son, putain. J'ai dit de monter mon volume là. Je suis en train de clipper, regarde. Thank you. Vous êtes toujours là ? Ils vont dans les concerts. On vous entend pas ! On va redemander au batteur. Des soirs où le batteur il est bien carré. Et puis non, là ça va. Sur le rock. tromper, on peut se tromper. Allez, go, Titi. Je me rappelle plus, j'étais. Thank you. recommence après. Ready?